pensées, nos actes et nos sentiments. On nous promet la bonne étoile pour nos enfants. Preuve que sans cesse on nous ment. Permettez-moi l'expression, mais nous suivons tous comme des moutons. Braves gens que nous sommes, on nous endort et nous façonne de façon à agrandir le royaume des États désunis. Pour le pire, laissez-moi rire, soyez punis. Que le pouvoir soit maudit. On nous promet tant de choses irréelles, alors qu'on a déjà le ciel des États désunis. Pour le pire, laissez-moi rire, soyez punis. Que le pouvoir soit maudit. On nous promet tant de choses irréelles, alors qu'on a déjà le ciel. On nous promet trop de choses, mais on ne voit rien venir. On nous promet trop de choses, ainsi qu'un triste avenir. Ainsi qu'un triste avenir.